Londres avait à cette époque un pont, le pont de Londres, avec des maisons dessus. Ce pont reliait à Londres Southwark, faubourg pavé et caillouté, avec des galets de la Tamise, tout en ruettes et ruelles. Le bowling ring de Southwark s'appelait Tarrinzo Field, sorte de champ de fort permanent. Plusieurs inns s'ouvraient sur cette place fériée toute l'année et y prospéraient. Ces inns étaient de simples échoppes, habitées seulement le jour. Un seul de ces inns était une maison, appelée l'Inn Tadcaster. Il y avait, dans l'Inn Tadcaster, un maître et un boy. Le maître s'appelait Maître Nicless. Le boy s'appelait Govicom.